La 16e conférence de la Fédération internationale des femmes démocrates tenue à Bogota, Colombie, a formulé soutien et solidarité à la cause juste du peuple coréen. Les participants ont adopté une résolution en faveur de la cause juste du peuple et des femmes coréennes. La résolution dévoile que les États-Unis s'affairent à l'embargo universel et au simulacre de guerre nucléaire apeuré par la mesure coréenne de renforcement des forces armées autodéfensives et exprime soutien et encouragement absolu à la lutte du peuple et des femmes coréens pour réunifier le pays par la force unie de la nation coréenne sans ingérence des forces étrangères.